Livre deuxième, Balao s'amuse. Chapitre 1. La patience de Balao a des bornes. Quand Balao apparut sur la lisière de la forêt, le soleil d'automne qui se couchait derrière le petit bourg de Saint-Martin-des-Bois lui envoya son dernier rayon. Et Balao, ébloui, rentra immédiatement sous bois, attendant la nuit pleine, car, pour rien au monde, il n'eût voulu se trouver en face d'un de la race humaine, avec son paletot en loques et son pantalon déchiré. Sans compter qu'il avait perdu son chapeau. Cette tenue négligée et le coup qu'il venait de faire à Riom l'avaient, du reste, incité jusque-là à fuir la grande route. Tranquillement, il s'assit au cœur d'un fourré et s'appuya au tronc d'un hêtre aux fins de passer ses bottes qu'il ôtait généralement pour traverser la forêt, et quand il était sûr de ne point rencontrer un de la race humaine. C'est qu'on lui avait appris à ne jamais attirer l'attention, soit par sa mise, soit par ses gestes de sauvage. Depuis qu'on lui avait expliqué ce que c'était qu'un anthropopithèque, un anthropopithèque est un animal qui tient le milieu entre le singe et l'homme. Il exagérait la douceur et la timidité de ses manières, car, pour rien au monde, il n'eût voulu être confondu avec un de la race singe qui est si mal élevé. C'était déjà bien assez de passer, à cause de ses yeux bridés, de son nez légèrement épaté et de sa face au large méplat, pour un naturel d'Aïnan que le docteur Coriolis, qui avait été consul à Batavia, avait ramené de ses voyages et attaché à son service en qualité de jardinier. Balao mettait donc ses bottes. Comme il éprouvait quelques difficultés à y faire entrer ses mains postérieures, car Balao a beau dire, tout anthropopithèque qu'il est, il tient encore plus du singe que de l'homme, puisqu'il a quatre mains, ce qui est la caractéristique évidente du quadrumane. Il poussait de légers soupirs, c'est-à-dire qu'il faisait entendre des grognements que des habitants de Saint-Martin-des-Bois avaient, plus d'une fois, pris pour des bruits précurseurs de l'orage. Au surplus, c'était encore une de ses plus chères distractions que d'imiter, loin des hommes, et pour leur faire peur, avec sa voix retentissante et roulante, le tonnerre. Il se rappelait très bien avoir vu son père et sa mère procurer à toute la maisonnée, à ses petits frères, à ses petites sœurs, à sa vieille tante et à lui-même, Balao, une joie indicible en se frappant des coups sur la poitrine, là-bas, au fond de la forêt de Bandang, pas bien loin des villages de roseaux, suspendus au-dessus des marécages. Ils se frappaient la poitrine comme des chanteurs hommes qui vont chanter, et ils en sortaient le tonnerre. Ah, ça ne traînait pas. Cachés derrière les palétuviers, ils voyaient aussitôt ceux de la race humaine les plus braves, comme les Dayaks, qui sont armés de flèches, fuir comme des radeaux, à la recherche d'un abri, d'un campong bien fortifié, derrière lequel on les entendait implorer Pati Palankaing, le roi des animaux lui-même. On riait bien dans ce temps-là. Balao était sur ses bottes. Il pensait que, maintenant, dès qu'il imitait la voix du tonnerre, il était grondé en rentrant à la maison. Et il y avait de quoi, certainement, car enfin, il risquait qu'on s'aperçût un beau jour que le tonnerre, c'était lui. Et le maître lui en avait dit carrément qu'il ne répondrait plus de rien. De rien. Ceux de la race humaine le traiteraient comme un gorille ou un vulgaire gibbon. Il irait dans une cage, ce serait bien fait. Il devait réfléchir à cela. Il réfléchissait surtout dans le moment au coup qu'il venait de faire à Riom. Et comme, à la dernière lueur du jour, il vit passer sur la route deux gendarmes, les poils ras du sommet de sa tête se hérissèrent et commencèrent de se mouvoir rapidement, signe indiscutable d'effroi et de colère. Il trouvait que le gendarme ne s'en allait pas assez vite. Il était en retard. Depuis deux jours qu'il était parti, que devaient dire son maître et Mademoiselle Madeleine? Il entendait déjà leurs reproches. Ils avaient dû le chercher, l'appeler dans la forêt. Tout de même, avant de rentrer, il devait aller prévenir Zoé du coup qu'il avait fait à Riom. La route était libre. Il la traversa d'un bond et, à travers champs, courut vers la masure des trois frères Vautrin. Quand il poussa la porte, une ombre accroupie au coin de l'âtre demanda « Qui est là ?» Il répondit « C'est moi, Noël. » La voix de Balao était à la fois sourde et gutturale, raclant les syllabes au fond du gosier. On avait usé des flacons de sirop à lui humaniser cette voix-là. Elle était un peu déchirante, énervante, mais point déplaisante à entendre. Et même avec cette voix-là, comme il avait le génie de l'imitation, il arrivait à imiter bien des voix, mais sa voix naturelle à lui faisait plaindre une laryngite incurable. Quand il tentait de l'adoucir en parlant aux demoiselles, elle produisait un sifflement bizarre qui faisait rire, ce dont il souffrait beaucoup. Il racontait couramment que c'était l'abus du bétel qui lui avait procuré cette singulière atonie au temps de sa jeunesse. Mais, bien entendu, depuis qu'il était au service du bon maître Coriolis, il ne chiquait plus. « C'est moi, Noël !» L'ombre au coin de l'âtre s'était levée, et une autre ombre au fond d'une alcôve dans la muraille s'était dressée sur son séant. La mère Vautrin, l'impotente, et la petite Zoé l'interrogeaient. Zoé craquait une allumette. Balao la bouscula, mit sa botte sur le bois enflammé. Il signala les gendarmes sur la route et fit comprendre qu'il ne voulait pas être vu dans la cabane. La vieille mère gémissait dans la nuit et râlait, car elle était très malade. Mais une phrase de Balao lui rendit la respiration. Une carriole les amènera cette nuit à 11 heures. Tenez-vous prête. Zoé était à genoux, embrassait les bottes de l'anthropopithèque. Tu les as sauvés, Noël. Tu les as vus. Ils vont venir tous les trois. Et elle les nomma tous les trois, pour être sûre qu'il n'en manquerait pas un. Siméon, Élie, Hubert. Balao grogna. Siméon, Élie, Hubert. Tu as fait ça, Noël. Tu as fait ça. Et comme elle se traînait à ses pieds, il la repoussa du talon. Cette petite fille l'agaçait. Quand ses frères étaient en liberté, elle se plaignait toujours d'être battue. Et maintenant qu'elle apprenait qu'ils étaient sauvés de leur prison, elle léchait de joie du cuir de botte. « Vite, dit-il, il faut que je rentre. Qu'est-ce qu'ils vont dire là-bas ? » La petite pleura. « Mademoiselle Madeleine t'a cherché toute la journée. Elle est allée partout dans la forêt en chantant. « Balao, Balao, Balao !»« Pitié de moi !» fit Balao en se donnant un grand coup de poing sur la poitrine qui résonna comme un gong, et il ne salua même point la vieille tant il avait hâte d'être dehors. Dehors, il renifla. Ça ne sentait plus le gendarme. Il prit par les vignes, chemin qu'il connaissait pour l'avoir suivi 100 fois, quand il sautait le mur de son maître pour venir chercher les Vautrin et courir avec eux l'aventure ou faire une noce carabinée dans la forêt. Et tout de suite, il arriva sur les derrières de la propriété Coriolis, à la petite porte qui donnait sur les bois. Avec précaution, il respira le sentier qui conduisait à la gare, mais ça ne sentait pas le voyageur. Alors, en tremblant, il tira le cordon de la sonnette. Celle-ci tintinabula avec une telle force que Balao fut près de défaillir. Au-delà du mur, des pas firent craquer les feuilles mortes. Balao se mit à genoux sur le seuil de la pierre. La porte s'ouvrit et Balao se sentit tout de suite pris par l'oreille. « Vaurien !» lui dit une jeune voix féminine irritée. « Tu vas me payer ça. 2 jours et 2 nuits dehors. Et dans quel état? Ah, c'est du propre, j'en pleurerai. J'en ai pleuré, Balao, j'en ai pleuré. Ah, ne pleure pas, toi, ne pleure pas. Tu vas meuter tout le village. Espèce de petit voyou. En loque, un pantalon tout neuf. Ton paletot de la belle jardinière. » Tu es allé encore dans les bois, dit. Tu es allé rêver à la lune. Papa en est malade. » Traîné par l'oreille, docile, repentant, larmoyant et le cœur sonore du remords qui le faisait battre, Balao se laissa conduire jusque chez lui. Mais arrivé tout au bout du fameux potager, où il était censé travailler fort mystérieusement avec M. Coriolis aux différentes transformations de la plante à pain et les portes de son appartement poussées, il se trouva en face de Coriolis lui-même. Aussitôt, il fit un mouvement comme pour regagner d'un bond la forêt propice. La figure de Coriolis était plus froide, plus morte qu'un marbre. Balao connaissait cette tête-là. Il ne redoutait rien tant que de la voir. Il eût préféré les coups de matraque et même les coups de fouet avec lesquels on avait dompté sa première jeunesse que le muet reproche de ses yeux immobiles, de ce masque méprisant et hautain d'un de la race humaine qui a eu tort, évidemment, de croire que l'on pourrait faire quelque chose de bien avec un simple anthropopithèque. Et les lèvres de Coriolis, si elles remuaient, car il leur arrivait de rester fermées des jours, comme si la parole humaine allait se déshonorer avec un anthropopithèque, et les lèvres allaient peut-être lui demander devant Mademoiselle Madeleine, quelle honte, comment se portaient ses amis. Le gros sanglier de la Cromore, et la laisse, sa compagne, et les marcassins, les petits, ou s'il avait de bonnes nouvelles de la famille des loups, qui dorment sur la pierre plate du roc de Madon. Quelle misère, lui qui fréquentait les frères Vautrin avant leur entrée en prison, et qui était traité par eux en camarade de la même race. Et cela encore, il ne pouvait pas le dire, évidemment, car le maître lui avait déclaré un jour qu'il l'avait rencontré sur la route, au milieu des trois compères, qu'il eût préféré l'avoir vu dans la société des hyènes et des chacals. Alors, on ne savait plus. Ils étaient pourtant bien, eux, de la race humaine. Coriolis remua les lèvres. « Tourne-toi. » Balao n'obéit point. « Tourne-toi !» répéta Coriolis. Mais Balao fit comme s'il n'avait pas entendu. Il savait que son paletot n'était plus qu'une loque et que le fond de son pantalon pendait. Jamais il ne montrerait une affaire pareille devant Mademoiselle Madeleine. Coriolis fit un pas vers Balao. Celui-ci se prit à trembler de tous ses membres. Madeleine s'interposa avec sa voix douce, avec son doux visage suppliant. Elle avait compris la honte de Balao. Elle voulait lui éviter le déshonneur. Il avait les larmes dans les yeux. Ah, celle-là! Il l'aimait, il l'aimait, il l'aimait, comme il l'aimait! Et le docteur ordonna. « Je veux qu'il se retourne !» Alors, la douce voix dit « Retourne-toi, mon petit Balao !» Ah, mon petit Balao! Elle pouvait faire de lui tout ce qu'elle voulait quand elle oubliait son nom de la race humaine pour lui donner celui qu'il tenait de son père et de sa mère de la forêt de Bandang. Balao! Balao enfonça les ongles de ses pieds dans le cuir de ses bottes et se retourna. Aussitôt, il y eut dans la pièce un rire qu'il ne connaissait pas. Il fit un demi-tour terrible. Un homme était là, qu'il reconnut tout de suite pour l'avoir rencontré quelquefois dans la rue du village. C'était l'ami du petit homme noir qui boitait, et que lui, Balao, ne pouvait voir en peinture. L'ami de ce monsieur Bombarda, qu'il giflait chaque fois que l'occasion s'en présentait. C'était aussi l'ami des gendarmes, qui avaient emprisonné les trois frères. Est-ce qu'il venait pour l'emprisonner lui aussi? Qu'est-ce qu'il faisait là? C'était la première fois qu'on lui faisait l'honneur de lui amener un étranger chez lui. C'était la première fois qu'il recevait un hôte sous son toit, qu'on daignait lui présenter dans ses appartements un de la race. Par Patipalankaing, par son roi, par son dieu, l'homme avait ri devant le fond de culotte de l'anthropopithèque. Mais le demi-tour de Balao avait été si rapide et si effrayant que le rire de l'homme en avait été cassé et que l'homme épouvanté s'était jeté derrière la table. « N'ayez donc pas peur, monsieur, » fit Coriolis, « il n'est pas méchant. Il ne ferait pas de mal à une mouche. »« À une mouche ?» grognait Balao dans son fort intérieur. « À une mouche ? Va donc demander à Camus, le tailleur du cours national, qui se moquait tout le temps de moi. Va donc lui demander si je ne ferai pas de mal à une mouche. » Coriolis commanda. « Viens ici, Noël. » Et comme Balao s'avançait, frémissant, Coriolis à la noble barbe blanche, qui avait retrouvé son langage d'ami, donna à l'anthropopithèque une petite tape de sa dextre caressante sur la joue rageuse. Balao rentra ses canines et s'essuya le front avec son mouchoir. Il était temps. Encore un peu plus, l'étranger l'aurait pris pour une brute. L'étranger dit « C'est extraordinaire. J'ai vu des singes dans les music halls, mais jamais, jamais !» Balao mit ses deux poings sur sa bouche pour empêcher le tonnerre qui gonflait sa poitrine de sortir. Coriolis dit « Ne prononcez jamais devant lui ce mot-là. »« Lequel ?»« Singe. »« Ah, il comprend à ce point. »« Eh, regardez-moi la mine qu'il fait et dites-moi s'il ne comprend pas. »« En effet, il me fait peur, » déclara l'étranger avec un mouvement de recul. « Encore une fois, ne craignez rien. Vous l'avez contrarié avec ce mot-là, mais il ne ferait pas de mal à une mouche. »« Il m'embête avec sa mouche, » pensa Balao. Qu'il aille donc demander à Lombard, le perruquier de la rue Verte, l'ami de Camus, qu'il aille donc lui demander si je ne fais pas de mal à une mouche. Oh, il comprend tout, reprit Coriolis. Et vous dites qu'il parle. Mieux que nos paysans. Parle, Balao, dis-moi quelque chose. Balao, en se voyant ainsi traité comme un curieux animal de foire devant un de la race, tourna sa pauvre face ravagée par le désespoir et la honte du côté de celle qui avait toujours été, dans les pires épreuves, sa suprême consolation. Et quelquefois, dans la nuit animale où son cerveau retombait, son étoile de salut. Madeleine, qui voit sa peine, lui sourit en prononçant cette phrase. Civilité numéro 10. L'anthropopithèque se retourna aussitôt vers l'étranger. Je n'ai pas encore eu l'honneur de vous être présenté, monsieur, fait-il d'une voix rugissante dont la maison tremble. Oh ! S'exclama l'étranger. Oh ! Ah ! Ah ! Et il ouvrit les yeux de quelqu'un qui va galoper de peur. Mais Coriolis n'est pas content. « Poliment, reprend-il, poliment, avec ta voix la plus douce. »« Va, Balao, avec ta voix la plus douce, » insiste Madeleine à la voix douce. Et Balao répète la phrase. « Je n'ai pas eu l'honneur de vous être présenté, monsieur. » Avec cette voix qui faisait toujours rire les demoiselles, mais qui ne fit pas rire Madeleine. « Mais c'est inouï, » clame l'autre de la race. « Inouï, inouï. Ce n'est pas possible, ce n'est pas un anthropopithèque. Ce n'en est plus un, obtempère Coriolis, c'est un homme. À ces mots, Balao, triomphant, on relève un front d'orgueil. Coriolis procède aux présentations comme dans le manuel de civilité. J'ai l'honneur de vous présenter Monsieur Noël, mon plus précieux collaborateur dans mes études de la plante à pain. Puis à Balao, Monsieur Herman de Mérantin, juge d'instruction, qui désirait fort vous connaître, mon cher ami. Asseyez-vous, messieurs. Ces messieurs s'assoient. Tu sais ce que c'est qu'un juge, mon cher Noël ? Questionne important Coriolis. Un juge, répond non moins important Balao, c'est celui qui met en prison les voleurs. Qu'est-ce qu'un voleur ? Ose interroger à son tour monsieur de Mérantin. C'est un, répond Balao imperturbable. C'est un qui prend sans prévenir avec de l'argent. Il ferme les yeux pour ne pas voir plus longtemps le regard singulier de l'étranger. Ce juge est bien ennuyeux. Est-ce qu'il ne va pas bientôt s'en aller? Je vais servir le thé, annonce la voix musicale de Madeleine. Le thé. Balao, ébloui, rouvre les yeux. Madeleine lui passe une tasse de thé et il remue le sucre dans l'eau odoriférante du bout de sa cuillère de vermeil. Seulement, au moment de boire, comme il croit les regards détournés un instant de lui, il plonge rapidement une main dans le liquide et se suce les doigts à la mode anthropopithèque. Ça, c'est plus fort que lui. Coriolis et monsieur de Mérantin, qui parlent entre eux avec animation, n'ont pas vu l'abominable geste. Mais Madeleine s'est aperçue de tout et gronde à la muette Balao de son index qui menace. Balao, les yeux en coulisses, lui, rigole, sournois. Puis Coriolis, le regardant à nouveau, il boit comme un homme et dépose sa tasse avec gentillesse sur le plateau. Puis Balao croise les jambes, les balance avec une élégance négligente, se renverse avec des mines sur le dossier de son fauteuil et sourit d'une façon stupide. Tout à coup, M. Herman de Mérantin se baisse et lui prend la main droite qu'il regarde avec attention. Mais ce ne sont point des mains de... « Taisez-vous, coupe court Coriolis, je vous ai dit de ne point prononcer ce mot-là, et je vous ai déjà entretenu du travail auquel je me suis livré depuis 10 ans. Avec l'épilation et les pattes et la patience, on arrive à tout. Regardez-moi son visage. Ne dirait-on point un Chinois ou un Japonais un peu tanné, qui croirait voir un quadrumane ? Vous pouvez vous servir de ce terme, il ne le comprend pas. « Quadrumane, quadrumane, » fait assez nerveusement Herman de Mérantin. Je ne lui ai encore vu que demain. Balao, déchausse-toi. Balao croit avoir mal entendu. Mais non. Coriolis répète l'ordre abominable. Se déchausser. Lui à qui on a toujours défendu de montrer ses mains de soulier, et qui a été élevé dans l'horreur de ses extrémités postérieures, et qui n'en a jamais dévoilé le mystère que devant les frères Vautrin, au plus profond de la forêt, au jour de chasse défendu. Quand il leur apprenait dans les arbres à se construire de petites huttes invisibles. Eh bien non, il ne se déchaussera pas, C'est trop de honte à la fin. » Il se lève, les mains dans les poches et sifflant un petit air, comme s'il pensait déjà à autre chose. Étonnement, les autres ne lui disent rien. Ils l'observent dans sa marche, car Balao marche de long en large, le front pensif comme on fait quelquefois chez soi quand on a des préoccupations. Il a oublié qu'il n'a plus de fond de pantalon. Un coin de conversation surpris entre ces deux autres le lui rappelle. « Vous voyez, il n'a pas d'appendice comme on en voit aux quadrumains inférieurs. Pas de queue et pas de callosité. En outre, les os du bassin que nous appelons ischions et qui forment la charpente solide de la surface sur laquelle le corps repose chez l'individu assis, ces os sont moins développés que chez les quadrumanes à callosité et sont plutôt constitués comme chez l'homme. Enfin, il marche ordinairement, avec lenteur et circonscription, et je lui ai fait perdre l'habitude de se balancer. Justement, Balao, agacé, se met à se dandiner. « Dandine, dandine donc !» fait Coriolis furieux. « Je t'enverrai te dandiner dans les rues du village, et les petites de l'école se moqueront de toi, Balao. » Balao pense. « Va donc demander à Camus et à Lombard, que l'on a trouvé pendu, pourquoi je les ai envoyés se dandiner au bout d'une corde. » Note. Ceci est terrible pour Balao, qui ne savait pas que Camus et Lombard étaient boiteux, et qui a cru qu'ils se moquaient de lui et imitaient en marchant son dandinement dans la rue, ce pourquoi il les avait pendus. Mais Balao n'est pas au bout de ses peines. Son maître l'a fait asseoir et lui a enlevé lui-même ses souliers et même ses chaussettes. Pourquoi donc, en apercevant les chaussettes, le monsieur qui met les voleurs en prison a-t-il eu ce mouvement du corps et ce coup de tête? Balao pense. La vue de mes mains de souliers le dégoûte, c'est sûr. Et il s'enfonce deux doigts dans le nez pour comprimer sa fureur. Coriolis lui prend ses mains de souliers dans ses mains à lui, homme. Balao détourne la tête pour ne pas assister à un spectacle qui lui répugne. Mais il faut qu'il l'entende. Coriolis. Vous voyez bien que le gros orteil du pied, plus long que chez l'homme, est au contraire bien plus flexible et peut s'opposer au reste du pied. Balao pense, pourvu qu'il ne me chatouille pas. Monsieur Herman de Mérantin. Je vois, c'est incroyable. Un quadrumane qui parle. C'est incroyable. Coriolis. Toutes les bêtes parlent, mais le quadrumane, qui est une bête supérieure, possède plus de sons distincts que les autres animaux pour exprimer son désir, son plaisir, sa faim, sa soif, son effroi, etc. C'est donc un langage. Chez mon anthropopithèque, qui est le premier des quadrumanes, celui qui se rapproche le plus de l'homme, je suis allé jusqu'à découvrir 40 sons bien distincts. Monsieur Armand de Mérantin. Mais enfin, ce n'est pas avec 40 sons qu'un anthropopithèque pourra prononcer toutes les syllabes humaines. Coriolis. Je n'ai pourtant pu en faire un homme qu'à cette condition-là. Monsieur de Mérantin. Comment avez-vous fait? Coriolis. Je lui ai donné les autres sons, tout simplement. Ouvre la bouche, Balao. Balao, qui est prêt à mourir de honte, n'a point le temps de protester. Coriolis, qui lui tenait tout à l'heure ses mains de souliers, lui tient maintenant, sans antisepsie intermédiaire, la mâchoire, et en fait jouer les deux parties sur leurs apophyses coronoïdes, comme il eût fait d'un piège à loup qu'il s'agirait de tendre. Balao, qui bave, regarde de ses bons gros yeux ronds, qui pleure, Mademoiselle Madeleine, qui assiste attristée à l'opération. Ainsi, la patiente qui va se faire arracher une dent fixe avec une morne et douloureuse angoisse la personne dévouée qui a bien voulu l'accompagner chez le praticien. Monsieur Herman de Mérantin. Il a des dents admirables. Coriolis. Regardez-moi ce pharynx. Balao pense. Il ne s'aperçoit pas qu'il me crache dans la bouche. Monsieur Herman de Mérantin. Vous avez perfectionné ce pharynx, modifié cette arrière-gorge, travaillé ses cordes vocales. Et cela vous aurait suffi, d'après vous, pour faire d'un quadrumane un homme? Coriolis, qui laisse un instant reposer la mâchoire. Pourquoi pas? Il n'est pas difficile de prouver qu'entre l'homme et les animaux, immédiatement inférieurs à lui, les différences anatomiques ne sont pas plus prononcées qu'entre d'autres membres d'un seul et même ordre. Monsieur de Mérantin. Tout de même, mon cher, il y a un abîme entre le singe, la bête et l'homme. Coriolis. J'estime autant que quiconque la dignité de la nature humaine. J'admets aussi volontiers que quiconque la largeur de l'abîme béant entre l'homme et le reste de la création par rapport aux problèmes intellectuels et moraux. Mais, même à ce dernier point de vue intellectuel et moral, je prétends, avec la modification de la structure, l'abîme peut être comblé. Monsieur Hermann de Mérantin. Votre parole me séduit à la fois et m'épouvante. À part lui, le juge pense. C'est toi qui vas être épouvanté tout à l'heure quand je te ferai connaître où t'ont conduit tes théories d'école primaire, laïque et obligatoire. Car monsieur de Mérantin, cousin du grand Mérantin de l'Institut, est resté idéaliste et anti-darwinien comme la gloire de la famille. Coriolis. Allons donc, qu'est-ce qui fait de l'homme ce qu'il est? N'est-ce pas la faculté de parler? Le langage lui permet de tenir note de ses expériences. C'est lui qui augmente le bagage scientifique des générations successives. C'est grâce à lui que l'homme resserre toujours davantage les rapports qui le rattachent à l'homme. L'homme se distingue ainsi de tout le reste du monde animal. Cette différence de fonction est immense, et les conséquences en sont extraordinaires. Et tout cela peut dépendre, cependant, de la plus petite modification dans l'état de l'arrière-gorge. Car qu'est-ce donc que ce don de la parole? Je vous parle en ce moment. Mais si vous modifiez le moins du monde la proportion des forces nerveuses actuellement en action dans les deux nerfs qui régissent les muscles de ma glotte, à l'instant même, je deviendrai muet. La voix n'est produite qu'autant que les cordes vocales sont parallèles. Celles-ci ne sont parallèles que tant que certains muscles se contractent de façon identique. Et ceci dépend à son tour de l'égalité d'action des deux nerfs dont je viens de vous parler. Le moindre changement dans la structure de ces nerfs, et même dans la partie où ils prennent naissance, la moindre modification même dans les vaisseaux sanguins intéressés, ou encore dans les muscles où arrive le sang, pourra nous rendre muets. Une race d'hommes muets, privée de toute communication avec ceux qui peuvent parler, serait une race de bêtes. Note. Toute cette théorie est exposée dans le livre si intéressant de Huxley, Du singe à l'homme. Monsieur Hermann de Mérantin. Évidemment, évidemment. Coriolis. Je ne vous l'ai pas fait dire. Ne te gratte pas, Balao. Honte de Balao qui croyait qu'on ne l'avait pas vu. Eh bien, moi, j'ai fait le contraire de celui qui travaillerait à rendre muet. J'ai travaillé à donner plus d'extension à un organe déjà susceptible de rendre certains sons de la parole. Ses nerfs, ses muscles, ses vaisseaux sanguins, je les ai eus, pour la gloire de ma démonstration, au bout de mes pinces. Balao, qui avait été endormi lors des opérations, écoute avec un intérêt passager. Et je suis arrivé à rendre toujours possible le parallélisme nécessaire des cordes vocales de mon Balao. Ouvre ta bouche, Balao. Balao ouvre une bouche effroyable qu'on lui renverse sous la lampe et se demande quand donc cet effroyable supplice aura une fin. Voyez, cher monsieur, voyez ici, on aperçoit encore les cicatrices. Monsieur Hermann de Mérantin. Étourdissant, étourdissant, et il peut maintenant parler comme un homme. Mais est-ce qu'il a conservé également la possibilité d'émettre les sons d'animaux d'autrefois? Coriolis. Oui, mais il lui faut un effort plus grand qu'autrefois. Parle, Balao, comme autrefois. Balao, pour se venger et pour faire une bonne farce, Balao parle comme autrefois, mais quand il était en colère, c'est-à-dire qu'on entendait sa voix à une lieue à la ronde. Gueuc, gueuc, gueuc, gueuc, gueuc. Monsieur Hermann de Mérantin. Gueuc, qu'est-ce que ça veut dire? Balao, qui est de plus en plus gêné par le singulier persistant regard de ce monsieur qui met les voleurs en prison. Ça veut dire va-t'en. Tiens, fait observer monsieur de Mérantin. C'est presque comme en anglais, go out. Balao n'insiste pas car il ne connaît pas l'anglais. Et monsieur Hermann reste. Balao soupire. Il n'a jamais tant souffert. Une main tendrement prend la sienne. Ah, Madeleine, Mad, Mad. Le cœur dans la poitrine de Balao fait boum, boum, boum. Et voici monsieur Hermann de Mérantin qui se lève. Il va donc s'en aller cette fois. Il se décide. Enfin, oui, oui. Il fait toutes ses félicitations à Coriolis. Comme un mufle, comme un mufle. il a l'air carrément de se moquer de Balao et de projeter quelque chose qu'on ne sait pas. Il faut toujours se méfier de ces gens qui mettent les voleurs en prison. Et c'est sûr, Monsieur Herman de Mérantin a bien tort, en tout cas, d'avoir l'air de se fiche de Balao, car ça pourrait encore mal tourner, cette affaire-là. Le juge dit avec une froideur calculée. « Ah, cher monsieur, toutes mes félicitations. Vous avez fait un petit dôme. Avec la science et votre scalpel, vous égalez Dieu. » Coriolis trouve qu'il exagère et le lui dit. Monsieur Herman concède qu'il a exagéré et avec un coup d'œil insolent qui montre Balao. « Oui, acquiesce-t-il, c'est vrai, Dieu les faisait plus beaux. » Il lança devant Madeleine, Balao en est d'abord suffoqué. L'étonnement le paralyse, l'abrutit. Coriolis, qui voit la peine que le visiteur a faite à son élève, à l'enfant de sa récréation, veut prononcer des paroles consolatrices. Dieu en a fait de plus beau, mais il n'en a pas fait de plus doux, de meilleur, de plus aimant, de plus dévoué. Celui-ci a bien récompensé son vieux maître de tout le mal qu'il lui a d'abord donné, car il faut bien avouer que ça a été dur de lui faire oublier, pendant les premières années, les jeux de la forêt de Bandang. Mais maintenant, c'est tout à fait, j'ose le prétendre et je suis enfin prêt à le prouver, un de la race humaine. » À ce discours qui aurait dû le toucher, M. Herman de Mérantin sourit comme un sot, et, montrant du doigt le paletot et le pantalon en pièces, Balao pleurerait, mais il retient ses larmes devant un étranger. Il dit il se permet encore quelques petites frasques. » Mais le bon Coriolis répond à l'imbécile solennel. « J'ai connu des enfants des hommes qui n'avaient pas plus de 17 ans, dont les parents eussent été heureux qu'ils passassent leur temps à arracher leurs fonds de culotte en montant aux arbres pour y chiper des pommes. Ce n'est pas à moi de vous conseiller de consulter les annales des assises, mon cher maître. Vous n'ignorez certainement pas à quoi passent leur temps les petits hommes de 17 ans, un couteau à la main. » Balao pense. « Le maître a raison, je n'ai jamais donné de coup de couteau à personne, moi. C'est bon pour les petits d'hommes qui n'ont pas de force dans la main. » Monsieur Herman de Mérantin, sur un ton qui fait loucher Balao. « Dans ce pays, pour les crimes, monsieur Coriolis, on ne se sert pas de couteau. On étrangle. Les doigts suffisent. » Balao clapote des paupières et pense. « Pourquoi a-t-il dit ça ?» Coriolis montrant la main de Balao. « Voilà une main qui ne ferait pas de mal à une mouche. » Balao pense avec timidité et les yeux baissés, car il sait admirablement le faire à l'hypocrisie. « Tu tiens à ta mouche, mais moi qui ne ferai pas de mal à une mouche, j'étranglerai bien ce noble étranger. » Monsieur Herman de Mérantin, qui se souvient que son cousin illustre de l'Institut a toujours combattu le darwinisme avec des arguments un peu vieillots sur l'impossibilité de la reproduction indéfinie dans le mélange des espèces, ne veut pas partir sans lancer la flèche du part. Cela fera réfléchir cet imprudent Coriolis, qui a déchaîné, sans s'en douter, tous les mauvais instincts de la forêt de Bandang dans la société civilisée des hommes, et qui en sera puni avant l'heure de la soupe par l'arrestation de son anthropopithèque que M. de Mérantin pense bien venir rechercher avec tous ses gendarmes. M. Herman de Mérantin, de sa plus belle voix de gorge. « Mes compliments, cher monsieur. Vous n'avez plus maintenant qu'à le marier. » Et il a un gros rire infâme. « Bientôt, il aura la majorité légale. J'espère que vous pensez déjà à la jeune fille qui conduira à l'hôtel. Mademoiselle Madeleine sera demoiselle d'un... » Monsieur de Mérantin ne peut achever ni son sourire ni sa phrase, car il a autour de la gorge deux tenailles qui se resserrent avec une force inquiétante pour quelqu'un de la race humaine qui aurait encore l'espérance de vivre longtemps sur la terre et d'y prononcer des paroles stupides et indécentes. Il râle, il se débat, il étouffe. Balao serre, serre, serre. Coriolis et Madeleine poussent des clameurs d'épouvante et s'accrochent, se pendent à Balao pour lui faire lâcher prise. Coriolis s'est armé d'un chenet et frappe des coups qui résonnent sur Balao comme sur un tambour. Mais Balao ne sent rien. Madeleine pleure, sanglote, supplie, délire. Mais Balao n'entend rien. Il serre, il serre, il serre. Et il ne s'arrête de serrer que lorsque M. Herman de Mérantin s'arrête de se débattre. « Ça lui apprendra, ce monsieur, a trouvé que Balao, qui ne ferait pas de mal à une mouche, n'est pas beau. Et il ne se moquera plus de lui devant les jeunes filles à marier. Le voilà bien avancé maintenant. Il est mort. Mort, monsieur le juge d'instruction Herman de Mérantin, cousin germain de l'illustre professeur, membre de l'Institut, secrétaire de la section des sciences morales et politiques, Herbert de Mérantin. Voilà une famille en deuil, une illustre famille. Voilà tout ce qui reste de tant de puissance humaine d'un juge d'instruction. Une loque, un pantin cassé sur le bras d'un anthropopithèque. Balao jette ce débris à terre. Il voit avec stupéfaction le bon Coriolis coller son oreille sur la poitrine de ça. Il y a des gens qui ne sont pas dégoûtés. Mais où est la petite sœur Madeleine? Balao la cherche du regard et la trouve, tout à fait appuyée à plat contre la muraille, la bouche grande ouverte et les yeux brillants d'effroi. Décidément, pense l'anthropopithèque, j'ai dû faire une bêtise, ils n'ont pas l'air contents. Coriolis se relève, aussi pâle que le mort. Misérable, râle-t-il, qu'est-ce que tu as fait? Tu as assassiné mon hôte. Bah, pense Balao, pourquoi se mettent-ils dans un état pareil? C'est le cadavre qui les gêne, je le vois bien. Et ils doivent craindre le commissaire de police qui vient toujours quand on a fait du mal à ceux de la race humaine. Par exemple, on peut assassiner mon ami Huon, le grand vieux sanglier solitaire qu'ils ont tué proprement d'un coup de couteau au cœur, devant tout le monde, et personne n'a protesté. Et mon ami Dol, le grand vieux loup vert qu'ils ont criblé de coups de fusil parce qu'il avait mangé un petit enfant de 6 mois qui ne disait pas encore « papa, maman ». Mais on n'a pas le droit d'étrangler naturellement avec ses mains un de la race humaine. C'est la loi. C'est bon, je vais enlever le cadavre et personne ne saura rien. Je vais encore le pendre, c'est un bon truc. » Ce pensant, Balao a pris par les pattes de derrière le grand corps mou de M. Herman de Mérantin et il le traîne jusqu'à la porte. Coriolis veut l'arrêter, mais Balao crie si fort « Guec, guec !» que Coriolis voit bien qu'il n'y a rien à faire de l'anthropopithèque dans un tel moment. Balao est tout frémissant, tout exalté, tout glorieux de l'ouvrage terrible. Il ne ferait pas de mal à une mouche. Tout de même, le docteur Coriolis comprend qu'il ne ferait pas bon de le séparer de sa proie. L'anthropopithèque la traîne derrière lui avec un orgueil aussi conscient que, dans le triomphe, le général romain traînant les dépouilles aux pimes. Ah, quel front relevé là, ce Balao, et bien fait pour la couronne de laurier. Dans tout singe, il y a un général romain. Et pan, un bon coup de sa main de soulier dans la porte, et celle-ci s'ouvre en deux pour laisser passer le cortège. Madeleine ne peut plus remuer, et Coriolis tremble comme une poule mouillée, tandis que Balao, solennel, pénètre avec son fardeau sous les branches de la forêt prochaine.